Verbe aller et venir à l'indicatif présent. Numéro 1, aller. Je vais à la cafétéria. Tu vas jusqu'à la cafétéria. Il, elle va vers la cafétéria. On va chez eux. Nous allons chez eux. Vous allez chez eux. Ils, elles vont chez eux. Numéro 2, venir. Je viens de la cafétéria. Tu viens de la cafétéria. Il, elle vient de la cafétéria. On vient de la cafétéria. Nous venons de la cafétéria. Vous venez de la cafétéria. Ils, elles viennent de la cafétéria.